à la daronne qu'un jour je ferai mon trou. Le daron m'a dit de viser droite, pas louper mon coup. J'ai promis à mes frères que jamais je trahirai le crew, jusqu'à ce que ma débrouille soit à terre et qu'on me prenne le coup. Je me suis promis de rendre les coups dont on voudrait me rouer, jamais tendre l'autre jour. J'ai promis à mon pote écroué qu'un autre prochain parloir je le ramènerai du shit. J'ai promis à la maison disque que je ferai du shit. Prier, destiné à prier, ils me font mal mais je ne pleure pas. Prier, voudraient me voir plier, veulent m'atteindre mais ne le peuvent pas. J'ai promis aux gens qui m'aiment de ne jamais changer. J'ai promis à mes ennemis de revenir me venger. J'ai promis aux gens qui m'aiment de ne jamais changer. J'ai promis à mes ennemis de revenir me venger. Je l'ai promis, je l'ai promis. Je m'étais promis d'être riche bien avant la trentaine. Il me reste peu de temps avant que ça devienne de l'histoire ancienne. J'ai promis au public de faire le taf quand j'entre en scène, que je distillerai ma propagande avant de rendre l'antenne. J'ai promis à mon 45 de faire honneur au sous. Mais de temps en temps je parlais de ces blèmes que personne ne résout. Mais je voudrais pas qu'on s'y méprenne, moi je suis le sauveur de son père. Ni politicien, ni prophète, juste un rappeur hors pair. J'ai promis à mes aînes du bled de venir les voir bientôt. Je me suis promis de trouver ma belle, ma grisette à plein corps. J'ai promis à mes vieux de leur ramener toute une armée de petits-fils et de leur enseigner tout ce qui nous tue, c'est tout ce qui nous divise. J'ai promis à mes détracteurs de leur donner tort, leur donner tort. Promis à Dieu de mourir en honnête homme. Dites à la France qu'elle n'aura plus ma rancœur à ses trousses. Le jour où elle se repentira de son passé trou. Prier, destiné à prier, ils me font mal mais je ne pleure pas. Prier, voudraient me voir prier, veulent m'atteindre mais ne le peuvent pas. J'ai promis aux gens qui m'aiment de ne jamais changer. J'ai promis à mes ennemis de revenir me venger. J'ai promis aux gens qui m'aiment de ne jamais changer. J'ai promis à mes ennemis de revenir me venger. Je l'ai promis, je l'ai promis. J'ai promis aux gens qui m'aiment de ne jamais changer. Mais changer. Et à ceux qui m'ont fait du mal, de revenir me venger. Me venger. Ah, mieux que des rêves, j'ai des projets, j'y suis jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Béni soient ceux qui m'ont aidé à réussir ce projet.